Donc ça sera confirmé. Tous les podcasts sont disponibles sur le blog de la Distro Lapinothèque ou le blog de Tranche d'Anard et sur Radio Panique. Et tout de suite, on s'écoute le générique des actualités. La rubrique Actu Agenda de la Cloche de Bois. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on va commencer, merci beaucoup à Jeannot d'avoir récolté un peu les infos les dernières nouvelles des squats à Bruxelles. Et donc par exemple à Berchem-Sainte-Agathe, il y a le bourgmestre du CDH qui a voulu avoir un peu sa tronche dans le journal et présenter un plan anti-squat parce qu'il y a 4 squats qui posent problème. Et alors il faut savoir qu'il a arrêté 18 personnes, dont 10 mineurs. Il les a relâchés après. Mais voilà, il faut quand même oser, par ces temps ultra froids, de commencer à faire de ça un gigantesque problème. Et donc, du coup, il a proposé plus de contrôle des squats sur son territoire, plus de projets immobiliers et plus de taxes pour les proprios pour que, justement, ils transforment leur maison. Donc voilà, et à Neder-Overeembeek, dans le quartier de Versailles, il y a un squat, et donc ça, on trouvait ça quand même assez chouette. Donc c'est un ancien comico qui a été squatté, ça appartient au CPAS. Et donc, donc c'est squatté depuis la mi-novembre, et en fait, tout récemment, la police voulait expulser. Peut-être qu'ils voulaient rentrer dans leurs anciens communicaux, je ne sais pas. En tout cas, ils voulaient, en plein moratoire, ils voulaient expulser le squat. Et donc, heureusement, avec le moratoire, ils n'ont pas pu expulser les lieux parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui habitent là et qui ont besoin justement d'avoir un toit, quoi. Et donc, alors, par rapport à ce moratoire, donc, il y a un moratoire sur les expulsions encore jusque ce dimanche, le 13 décembre. Et pour l'instant, on n'entend rien du tout sur un éventuellement report de ce moratoire. Et voilà, donc il faut se dire, voilà, ça crève de froid dehors. Et si, voilà, ce moratoire, ça permet à plein de gens de tenir, de ne pas être expulsés de leur maison. Ça permet à plein de squats de tenir, de respirer un peu. Et donc, notamment à la fin de l'émission, on va revenir sur ça dans les squatteurs, dans les marolles qui parlent justement de ça. Il faut rappeler que début septembre, il y avait une manif contre la fin du moratoire. Et donc voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est ça qu'il va falloir faire pour pouvoir reporter ce moratoire? Et donc voilà, dernière petite info, le front anti-expulsion, on peut toujours appeler leur numéro si on est menacé d'expulsion. Donc c'est le 0465 46 47 01. Et on peut aussi aller voir sur le site ou sur le Facebook, etc., stopexpulsion.be. Et on va s'écouter tout de suite la petite partie histoire à la cloche de bois, la partie 3. Et c'est reparti pour quelques tours de manivelle dans l'histoire des luttes des locataires face aux vautours propriétaires et leurs amis, les huissiers, les concierges, les juges et autres flicailleries en tout genre. Donc nous avions vu qu'en 1910, il y eut une forte hausse de loyers et des coûts de la vie. S'ensuit alors des grèves et des mouvements sociaux importants. C'est dans ce contexte que vit le jour l'Union syndicale des locataires, des ouvriers et des employés de la SAN, qui était en quelque sorte héritière des différents groupements d'action autour de la question du logement à l'époque. En février 1911, un ouvrier tapissier, un certain Georges Cochon, qui est aussi anarchiste, devient le secrétaire de cette union syndicale des locataires qui transformera quelque peu le mode d'action du déménagement à la cloche de bois vers une manière plus publique, voire spectaculaire. À l'occasion d'une grève des loyers, en juillet 1911, 80 locataires des deux immeubles du 15e arrondissement de Paris sont en grève depuis 3 mois pour protester contre une augmentation des loyers et pour refuser de payer le terme, à l'avance comme ça se faisait à l'époque. L'Union réalise un déménagement collectif d'une vingtaine des locataires pour éviter la saisie de leurs affaires personnelles en s'opposant par la force aux tentatives des huissiers et des policiers. Depuis le 1er octobre, les déménagements à la cloche de bois sont accompagnés d'un raffut, c'est-à-dire un grand bazar bien bruyant. À l'inverse de ce qui se pratiquait dans les déménagements à la cloche de bois, qui eux étaient réalisés pendant la nuit et en toute discrétion, ces déménagements au grand jour recherchaient la publicité de l'acte. Au mois de mars 1912, on voit apparaître un autre type de pratique, le déménagement à la Gandillot. Alors, qui était ce Léon Gandillot ? C'était un auteur vaudevilliste. Bah, c'est un auteur théâtreux qui écrit des pièces avec pas mal de quiproquos. Donc ce Léon Gandillot doit déménager de son logement où le loyer va doubler de prix. Mais comme il a payé son terme à l'avance, il propose à l'Union syndicale des locataires de reloger chez lui une famille sans logis, durant le mois déjà payé. Gandillot organise pour l'occasion une dépendaison de crémaillère. Dans l'idée de rendre publique la chose, l'artiste réunit 3000 personnes. La publicité de l'événement rebondit lorsque Georges Cochon fait courir la rumeur que Gandillot installerait chez lui un lion et un boa. Ça, c'est pour le côté spectaculaire et un peu provocateur, mais en réalité, c'est une famille qui s'y installera. Cette nouvelle pratique d'occupation fait suite à la répression des déménagements à la cloche de bois et à une difficulté pour l'Union syndicale des locataires à reloger les familles. On va voir par la suite que plusieurs riches locataires ayant un bail en cours proposaient leur logement à l'Union des locataires. Le déménagement à la Gandillon est en quelque sorte un prémisse à l'occupation avec convention, puisqu'il y a un bail qui est en cours. On appelle ça aussi à l'époque l'emménagement, ou la presse bourgeoise l'appelle aussi l'emménagement à la cloche de bois. Donc lors d'une de ces actions organisées, une lettre est envoyée au nom de l'Union syndicale des locataires au préfet de la Seine et au président du conseil, à qui l'Union demande la mise à disposition des bâtiments vides qui appartiennent à l'État, et dont la caserne du château d'eau, place de la République. L'Union syndicale des locataires ne reçoit pas de réponse. Elle convoque donc, par voie d'affiche, la population à venir aider à la prise de la caserne. Ce qui sera le cas notamment par de nombreuses familles sans abri. Après avoir tenté de résister à l'expulsion, ces familles se dirigent vers la place de la République. La police empêche l'action, mais 23 familles seront relogées dans l'hôpital désaffecté de la Pitié. L'Union syndicale des locataires procède à 21 emménagements, c'est-à-dire occupation de bâtiments repérés auparavant. Après la scission, que je développerai lors d'une prochaine émission, donc scission au sein de l'Union syndicale des locataires où sera exclu Georges Cochon et qui créera la Fédération nationale et internationale des locataires. Ces occupations auront pour cible les bâtiments appartenant exclusivement à l'État, comme par exemple l'hôtel de Biron, le bâtiment du Bastion, le dépôt de la compagnie des Omnibus, un ancien collège de jésuites, y seront tous occupés. En juin 1913, les déménagements à la cloche de bois seront mis hors la loi par décision de justice. De fait, il y aura plus d'occupations publiques, voire spectaculaires, teintées d'humour rocambolesque comme l'exemple du déménagement à la Gandillot, avec la rumeur lancée par Georges Cochon, dont cette histoire de l'appartement serait occupé par un boa et un lion. Or, l'appartement sera occupé bel et bien par une famille de sans-logis. Après mai 1912, lors de cette fameuse scission entre l'Union syndicale des locataires et Georges Cochon, et d'où naîtra cette fameuse Fédération nationale et internationale des locataires, il y aura la réalisation d'une série d'actions symboliques dont la seule finalité est d'atteindre les médias. Le syndicat des charpentiers construira une maison de fortune en bois dans le jardin des Tuileries en janvier 1912, baptisée Maison avec Jardin, où s'installera une famille nombreuse. Ou encore la veille de la fête nationale en 1913, où la fédération occupera la chaussée devant la bourse au bénéfice d'une famille à la rue. Prochaine fois, on verra plus en détail la scission au sein de cette fameuse union syndicale des locataires, des ouvriers et des employés de la Seine et la création de la Fédération nationale et internationale de Georges Cochon. On prendra le temps de parler aussi des différentes pratiques entre action directe et réformisme. C'est pas bon. On m'a dit dit peace and love, que la vie ne fait pas le moine. Le respect comme patrimoine, la richesse est dans ton âme. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Je baisse les chocos dans ce béton. Je n'y ai même pas de mission. Je travaille, je me sais sans raison. Alors j'en veux tout ça sans concession. Trop de tension. Trop de tension c'est pas bon. Trop de tension. Trop de tension c'est pas bon. Trop de tension. Trop de tension c'est pas bon. Trop de tension. Trop de tension c'est pas bon. On m'avait dit peace and love, que la vie ne fait pas le moine. Le respect comme patrimoine, la richesse est dans ton âme. Je suis fatigué. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Oh, oh. Trop de tension c'est pas bon. Je pose des secours dans ce béton. Mais je sais que de toute façon, qu'un jour je n'aurai plus de raison. On ne peut pas vivre dans l'appréhension. Trop de tension. La musique qu'on vient d'entendre, c'était Alerte Rouge. Et donc, effectivement, on va parler de trop de tension un peu. On va revenir sur la conversation avec Caillou, qui fait partie de l'émission et qui parle de sa vie dans le logement social. Et donc, un grand merci à Gwen pour le montage. On avait déjà passé la première partie à l'émission précédente. Et donc là, on va réécouter le reste. Oui, juste pour dire un petit mot en plus. On va enfiler un peu la première partie du montage, je parle de logement social, mais après il y a Balthazar et Cyril qui font de la musique rap, et ensuite il y a la deuxième partie de Caillou qui parle plutôt de sa vie squat. Bonne écoute. Avec l'émission La Cloche de Bois, on s'intéresse aux questions du logement de près ou de loin. Et aujourd'hui, on a envie de se focaliser un tout petit peu plus sur la vie dans les logements sociaux. Une question en fait qui touche énormément de Bruxellois et de Bruxelloises. Et on est aujourd'hui à la bibliothèque anarchiste à Kratan dans le centre. Donc si vous entendez des bruits de fond, c'est les gens du local. Mais donc voilà, on va parler un peu de la vie dans les logements sociaux. Voilà, on va en parler aujourd'hui avec Caillou. Bienvenue. Merci de vouloir parler de ça. Moi, ça fait depuis genre 15 ans que je suis en fait là, parce que malheureusement, le logement social s'est imposé. On fait une demande et le jour où on reçoit que tu penses que c'est temporaire, t'espères que c'est temporaire, mais je sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, c'est souvent, c'est en fait à très long terme. Tu reçois, dire ouais et tout, bon bah on va espérer rester 3-4 ans et espérer partir. Ma mère, par exemple, avant d'avoir son premier logement social, je sais qu'elle avait quitté son mari. Finalement, elle a vécu avec sa sœur, et donc là, elle a fait une demande, je sais plus combien de temps ça a duré, mais quand même quelques mois. Et donc, quelques mois avec donc sa sœur, moi qui étais dans son ventre, ma sœur qui était déjà quand même petite, et un autre enfant. Enfin, c'est chouette là, temporairement, mais il faut clairement dire qu'à long terme, c'est très, très pénible. Et surtout qu'en plus, ma mère, les deux d'ailleurs retravaillaient, à colloquer comme ça, c'est assez dur, quoi. Ça doit être aussi des familles, mais parce que dans le rêve de toute personne de classe populaire, en fait, c'est d'avoir une maison à soi. Enfin, c'est un peu le rêve petit bourgeois qu'on veut tous avoir, être tranquille dans sa petite maison à soi, ou un appartement à soi, mais c'est plus la maison, et qu'elle soit belle, qu'elle soit bien et tout, et que, enfin, que tu vis de façon petit bourgeois, en fait, que tu vis de façon vraiment bien, et que t'as pas ou peu de problèmes, et enfin, voilà, et c'est ça, quoi. Et d'avoir peut-être un bon travail, enfin, voilà, t'espères que tout ça, quoi. Bon, et ma mère, en fait, voilà, non, elle a, jusqu'à maintenant, jusqu'à environ 5 ans, pour le travail, elle a complètement galéré, elle arrêtait pas de, je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait plein de travail différents. D'ailleurs, généralement, les mecs font plutôt un seul travail pendant genre 20 ans ou 40 ans, enfin toute leur vie, quoi. Et généralement, en plus, progressivement, ils ont, je sais pas, là pour le salaire, je sais pas trop s'ils ont le même salaire ou pas, mais en tout cas. C'est l'ancienneté, hein. On a toujours. L'ancienneté, ouais, on a toujours plus de salaire. Mais enfin, je veux dire par rapport en fait aux femmes, je sais pas trop s'il y a une différence entre les hommes et les femmes pour les salaires. Et donc là, ils reçoivent bien plus souvent, bien plus facilement un CDI et plein de trucs qui font qu'évidemment, ils ont beaucoup plus de facilité que les meufs, quoi. Mais beaucoup de jeunes ont, par leurs parents, ont eu un logement imposé, même si on est très content d'avoir un logement, mais après ça dépend, parce que moi, chez moi, j'ai un super bon logement, je suis vraiment dans un bon confort, en vrai. Si j'aurais pas eu en fait les loyers qui augmentent, si j'aurais pas eu des taxes, si j'aurais pas eu ma mère qui râlait depuis mes 14-15 ans, et si j'aurais pas aussi peut-être écouté un peu la radio, je pense qu'en fait, j'aurais jamais eu en fait cette vie et potentiellement ce chemin, ce cheminement en fait. Du coup, en fait, par rapport au début, c'est que je me sentais très très mal, qu'en fait, moi j'avais déjà des idées en fait, du coup, comme j'avais dit, très très à gauche, très libertaire, tout ça, et je me sentais vraiment super mal, parce que j'avais pas du tout quoi faire et comment faire, que je me disais, mais ça m'étonnerait que je suis le seul, que ma mère est la seule, ça m'étonnerait. On doit vraiment être, à mon avis, quelques heures dans le bâtiment, peut-être bien plus ailleurs, peut-être énormément à Bruxelles. Après, là, je réfléchis pas plus loin parce que malheureusement, il y avait aucune possibilité dans nos appartements. On se sent vraiment, mais totalement dominé. On sait pas du tout comment agir, quoi faire, ou à qui parler, parce que même si on est tous de même classe sociale, mais par exemple, moi, l'une des idées qui m'a fait que je suis devenu aussi un peu anard, en fait, c'est que je savais pas si un CSD existait et que c'était légitime ou pas. Progressivement, en fait. Quand t'habites dedans, que ça fait des années, et qu'en fait, tu sais pas du tout quoi faire, enfin, tu sais pas comment tu peux déménager, tu t'as aucune aide, tu sais rien faire. Là, c'est du coup un peu comme la malute. Et avec un animateur d'équipe populaire, justement, qui est là, où en fait, on se coordonne pour essayer d'avoir les numéros des gens, tout ça. Comme ça, lui, après, il peut faire le suivi personnel. En fait, d'ailleurs, toutes les réflexions, ça souvent, c'est dans les entrées quand on se parle. Tous des vieux, des vieilles. Et du coup, ça, t'as des trucs qui sont lancés. Ils ont essayé, je crois que c'est déjà depuis 2-3 ans, t'as le loyer qui augmentait, leur pension ça ne augmentait pas et tout. Et donc, ils sentaient de plus en plus à l'étroit. Et donc, ils ont demandé, si je me sens bien, je me sens en tout cas clairement de l'année passée, qu'ils ont été au service locatif. Et en fait, ils ont réussi à avoir un compromis, c'est genre, si je me sens bien, que le loyer, qu'il est bloqué juste pendant un an, quoi. C'est tout. Ouais, après cette année-là, il va réaugmenter, mais d'ailleurs, de façon générale, comme à chaque fois. Et donc, toutes les sociétés de logement, globalement, en fait, font ça tous les ans, augmentent, en fait, les loyers, petit à petit. Et donc, par exemple, il y a 15 ans, je sais que ma mère payait, genre, je crois que c'était dans les 300 euros, ou un truc comme ça. Et maintenant, c'est genre dans quasiment 600 euros, quoi. Enfin, là, je connais pas trop, mais je sais que t'as les charges, après t'as le truc. Et donc, le truc là, ça coûte déjà 500 aidés, plus les charges, qui coûtent souvent aussi assez cher. Par contre, ça dépend d'un bâtiment à un autre. T'as des bâtiments, t'as des trucs qui sont plutôt individuels de tout collectif. Et donc là, ça change aussi un peu le prix. Mais là, par contre, je m'y connais vraiment pas assez, donc je peux vraiment pas en parler. Mais moi, j'avais parlé avec des personnes qui habitent dans la Querelle, dans les logements sociaux là-bas. Et là, une des questions qui était soulevée, c'était les charges qui augmentaient toujours, en fait, parce qu'il y avait des choses cassées. Donc, il y avait des portes cassées, des vitres cassées, etc. Du coup, ça posait un peu la question de l'appropriation des jeunes de l'espace public, mais avec aussi le temps où ça se refroidit vachement. Les jeunes, ils vont vachement aussi chercher plutôt les halls d'entrée, etc. Chez moi, il n'y a pas ça. Non. Et donc, je sais qu'en fait, allez, par exemple, à la Querelle, c'était quelque chose où, en fait, il y avait tellement de répression, puisqu'il y avait eu des petites émeutes à l'extérieur. Et donc, du coup, il y avait tellement de répression, les jeunes, ils se faisaient tout le temps contrôler. Donc, du coup, ils ont aussi un peu fui dans les halls. Et donc, du coup, en fait, ce que les jeunes disaient, que, en fait, ils préféraient que les gens, quand ils ont des problèmes avec eux, qu'ils viennent leur parler. Leur premier souci, c'est qu'en fait, des gens qui disent bonjour dans leur tête, mais après, ils vont appeler la police et ils vont dire, voilà, ces jeunes. Et donc, du coup, ces jeunes, ils sont juste tout le temps arrêtés, amenés au poste, tabassés, relâchés, etc., etc. Et donc, comment, toi, tu vois ce dialogue possible, en fait? Parce qu'effectivement, il faut pouvoir vivre dignement. Et de l'autre part, il y a aussi un accès à l'espace public problématique pour des jeunes, pas assez d'espace. Eux aussi, ces jeunes-là, ils habitent aussi dans des logements sociaux, à des grandes familles où ils n'ont pas beaucoup de... Voilà, et donc du coup, ils cherchent aussi un endroit pour un peu s'enfuir de cette misère. Et donc du coup, toi, tu as déjà vécu un espèce de dialogue ou une espèce de compréhension ou de réciprocité pas, avec les habitants adultes et les jeunes, pas ça. Parce que chez moi, et là, je sais que les jeunes sont plutôt regroupés vers le bâtiment, en fait, un peu plus en bas de chez moi. Très souvent, quand je sortais la nuit, je voyais, en fait, là, pas mal de jeunes. À mon avis, de toute façon, il y aura d'office, à un moment donné, des petites batailles, soit avec les habitants, soit avec la police qui viendrait, parce que t'as d'office quasiment la police qui vient, elle va chercher toujours à fabriquer de la violence, etc. Et donc, naturellement, t'as les jeunes qui eux-mêmes sont déjà dans la violence, qui eux-mêmes savent pas, du tout où aller, en fait. Donc, ce qui est vachement marrant et intéressant, c'est que là où ils vont d'office, même inconsciemment, en fait, ils prennent le territoire et ils font comme si c'était en fait le leur, en sachant que c'est en vrai le leur. parce que tout le territoire, ça appartient aux classes populaires, etc. Et surtout que c'est leurs parents, leurs grands-parents, etc., qui ont construit tout ça. Mais bon, là, c'est encore notre optique. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Ça, c'est la première fois, effectivement, que j'entends ça, ce lien, ce rapprochement-là, quoi. Ça peut être leur territoire, parce que c'est leurs grands-parents qui l'ont construit. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais... Honnêtement, il y a plein de choses que je voudrais, en vrai, dire. Mm-hmm. J'ai envie, en fait, de retourner au tout début de ce que je voulais parler, en fait, justement, à ma lutte. Pour l'instant, en fait, c'est vraiment tout petit, hein. En vrai, c'est très long, et psychologiquement, en fait, c'est progressivement, en fait, de plus en plus dur, parce qu'en fait, vu que, moi, je suis militant, mais c'est ma mère qui reçoit tout, et ma mère qui reçoit toute la pression, moi, du coup, je reçois aussi la pression, je suis en mode, putain, merde, ma mère qui reçoit cette pression-là, je sais absolument rien faire. Enfin, on essaie de faire, mais voilà, en plus que moi, je suis pas vraiment non plus le fils parfait, j'ai du mal à gérer ma propre vie, parce que personnellement, je voudrais vivre trop, hein, je voudrais très grave, en fait, vivre en squat, et pouvoir faire, en fait, du collectivisme là-dessus, quoi. Enfin, lutter dans le logement, enfin, de manière générale, et faire des, enfin, plein de trucs, voilà, quoi. Aider les familles concrètement, là, sur le lieu de logement, faire des campagnes d'affichage, contre un propriétaire, contre les patrons, enfin, tout ça, voilà. Parce que les deux, trois, quatre, cinq sont intimement liés, enfin, en situation, en fait, tout, absolument tout est intimement lié. Même si, parfois, par exemple, entre patriarcat, capitaine, etc., il y a aussi des structures différentes. Mais là, on sait que depuis, genre, 200 ans, t'as juste capitalisme qui a réussi à tout intégrer, mais que quand on a un qui est détruit, bah, bien, t'as quand même les autres qu'il faudra aussi, les combattre, quoi, littéralement. Parce qu'on peut pas faire l'un sans les autres, c'est clair et net, c'est, voilà, quoi. Et en plus, qui suis, moi, pour dire, tiens, ma lutte est plus importante, plus intéressante que les autres, bah, non, parce que du coup, ma mère, et puis ma sœur, et puis après, j'en sais rien, tous mes amis, etc., qui sont noirs, qui sont femmes, qui sont gays, enfin, ils sont tout, bah, ils reçoivent des trucs et moi, je reçois pas, et que finalement, quand tu parles avec eux, enfin, quand tu deviens vraiment ami et tout, t'as vraiment plus envie de rester dans ton petit truc, t'as vraiment envie d'aller le plus loin possible, d'intégrer tout au maximum, ouais, de tout lier, en fait, tu dis, putain, mais en fait, ensemble, en tant que gros familiteur, en tant que pote, on progressivement fait des cercles, donc des centaines, des mille personnes, putain, ensemble, on peut tout faire, on peut vraiment tout lutter, on peut lutter contre vraiment tout, quoi, parce que j'ai pas vraiment lu, en fait, encore ce bouquin, même si je l'ai en PDF, par une amie, mais t'as je crois que ça s'appelle la révolution féministe, et qu'en fait, j'ai une pote qui m'a simplement dit qu'en fait, pour elle, vu que là, pour l'instant, la structure, en fait, est complètement liée à tous les autres, au lieu que chacun se batte individuellement sur le truc, que tout le monde se bat, en fait, contre le capitalisme, parce que du coup, naturellement, tu vas, c'est un peu ma lecture de ce que je me souviens, du coup, tu vas combattre naturellement les autres systèmes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rap contestataire. Qu'est-ce que tu vas faire ? La finalité, c'est de le faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas vraiment pour te plaire. Ah bon ? Enfin, j'en sais rien. J'espère bien. Rap contestataire, ça veut tout dire et puis plus rien. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Style. Conteste à quoi ? Conteste qui ? Conteste-toi à terre. À terre qui ? On teste quoi ? Vas-y, dis-moi, t'es qui toi pour dire ça et tu vas faire quoi ? Et moi, je me dis, on parle beaucoup de il ou elle, des filous, des vautours. Car il y a des trous dans le ciel. Faudrait qu'on trouve un coupable. La corde au cou. Autour de quel coup voulez-vous qu'on la passe, mes frères ? Est-ce que tu parles pour être dans le style de ce jeu de lettres ? Est-ce que les cris distillent les qualités de l'être que l'on dévoile pour éviter l'affiche du paraître ? Peut-être. Rap conteste à terre, j'accuse le rap des cons, aux sciences infuses, diffuses. Conteste à terre, j'accuse qui ? J'excuse quoi ? Des croquis grotesques ou des poubelles de truffes ? Vas-y, t'es qui toi pour dire ça ? Vas-y, dis-moi, tu vas faire quoi ? Oh oh. Vas-y, dis-moi, tu vas faire quoi ? Oh ! T'es qui, toi, pour dire ça ? C'est qui ? Il ? C'est qui ? Elle ? C'est qui, vous ? Il ? Dans ma tête ? Elle ? C'est tout flou. Et moi, je pense pas que les contours de nos silhouettes prétendent se résumer à des contours clairs. Au diable me pique quand j'accuse la ruse, convalescence de l'enfance, conséquence d'adolescente. Et si je n'ai pas beaucoup d'idées qui se réclament d'être abouties, c'est parce qu'au bout des astres, il n'y a pas de parcours figé. La mèche crame, elle-même ne connaît pas ni sa route, ni sa longueur. Des générations de petits frères devenus parents des rues répéter la chanson pour tirer les leçons qui datent pas d'avant-hier. Et je garde une part de doute quelque part à l'abri de mon cœur. Fais pas semblant de t'excuser au dernier rang de la farce. Pardon. Rien ne force à tout niquer, on aime tous jouer les cancres. Allez, fais le grand, fais le grand, fais le cancre. Rap conteste à terre, quand est-ce que tu vas à terre ? Vas-y. C'est quand t'es atterré, oh. Qu'il y en a qui ferait mieux d'apprendre à la fermer. Ouais. En attendant, moi je ferme les yeux pour apprendre à t'écouter. Rap conteste à terre. rap contestataire. Alors moi, je crie pas les feux juste pour les griller, mais je m'arrête pas juste pour les regarder briller. La mèche crame, c'est par la rage et la dynamite. Je vis ma vie à l'écart des clichés, j'essaye. Kinder délice, rapide, facile, nectar de cerise, gratuit, magique. Des tracks, des caddies, des barques, c'est parti. Démarrage, la rage éclate les barrages par dizaines. Via le studio. Les studios. Dans un rap contestataire, capter l'essence et la portée, le chaos dans la parodie sur le carreau du paradoxe. Jacques a dit je t'aime dans la demeure, un flot d'intox, trop attaché à la haine. Hey, je peux dire les pires conneries au micro, lui ne me dit pas qu'est-ce que tu dis. Oh oh oh oh. Conteste, contour de texte, compteur de test. Quand l'heure de déguster la règle sonne, tourner carré pour monter sur la prod, sur des lignes de la destinée. Parce qu'on est trop paumé pour écrire des parodies. Nos pros s'agitent, dehors c'est le chaos, j'y ai ma part aussi. Vu le niveau d'ISO, je m'immerge au milieu des mots et des sirènes. Y'a les scénars et les larcènes. C'est lassant de sentir le déguisement des grandes lignes. Prétendre à la méchanceté pour avoir le style du méchant loup de tes rêves, la cassante de tes cauchemars. Donc star de taille, pouvoir inhumer la peur de vouloir dire je t'aime. Fais le grand, fais le beau, et comment je vais faire moi pour pas accuser ceux qui m'accusent, pour pas juger ceux qui me jugent, et c'est qui il, et c'est qui elle, et c'est qui vous, et dans ma tête c'est tout flou. Alors j'accuse, rappeur d'humeur, les vapeurs du sommeil, marchand de rêve dans le mauvais mis du mésespoir, marchandeur d'esprit, le doigt coincé dans l'encrier entre le dérailleur et le Saint-Empire, apprendre à nager le soir avant d'appuyer sur la case noire de ton téléviseur. Madame la rage, raconte-moi. Quand tes éclats se déclarent, on ne sait pas ce que l'action fera de tes messages. Et le feu s'annonce, et parfois l'on se rétracte. Allez, vas-y, viens, crier de quel côté la force t'a fait basculer. Raconte-teste à terre pour déclencher la foudre, sortir l'épée du fossé, même si plus personne n'en a rien à foutre. Madame la honte, raconte-moi la part d'ombre que je crois devoir affronter. Je suis pas mon propre patron, car je n'ai plus honte de toi. À quoi bon avoir honte de la honte? Paillettes et gommettes, décollage et bricolage pour en avoir l'air. Parce que dans l'air du temps, tu veux bien être sur les devants de la scène de toi-même. Style. Rap contestataire, parfois tu prétends dans tes prétextes pour cacher la misère dans un texte sous tes multiples facettes, facéties de faussaires, parce que c'est excitant de pouvoir montrer qu'on sait faire comme les grands, accuser le regard de travers, justicier des chemins de traverse. Vas-y, parle-moi de tes rêves, avance sans me menacer de l'inverse. Rap contestataire. Oui, ce soir, deux jeunes gens ont pris le micro pour contester la contestation. Avec un certain talent, un talent unique dira-t-on, mais tout talent est unique. Vas-y, laisse couler les couleuvres, on épile les couleurs du temps à coups de cool et de chill. Ça demande pas d'avoir du cran, de sortir un cran d'arrêt. Laisse-moi lire dans le fruit de tant d'arrêt le fond de tes couplets. Vas-y, mets des coups de tête dans la richesse de ta souplette. Rap contestataire, c'est quand t'es atterré que moi je ferme les yeux pour apprendre à t'écouter. Ça, c'était Code Lipton, Paul Rabel et Balthazar. Et donc, c'est des personnes qui participent aussi à l'émission et qui apportent leur petite production qui est faite dans les squats et les occupations bruxelloises. Et donc, voilà, on trouve ça aussi important d'avoir ce petit bout de chemin dans l'émission. Donc là, on va écouter la prochaine partie, donc la dernière partie de Caillou qui parle de Exarchia et du squat à Liège. Le jour qu'il y aura la révolution, au sens où t'as l'autonomie, puis après t'as la révolution, enfin, ça veut dire, et ben, le jour que t'auras la révolution, du coup, dedans, il y aura tout, il n'y aura plus besoin d'autonomie, parce qu'on aura l'extérieur, du coup, sera complètement détruit, complètement retransformé, complètement recréé. Mais bon, ouais, ça sera complètement là, il n'y aura plus rien. Et donc là, à partir de là, on pourra complètement recréer progressivement tout. Et du coup, ça veut dire nous déconstruire et nous re-socialiser pour plein de trucs, même si nous, on en a peut-être déjà. Et de deux, t'as plein de gens qui vont eux-mêmes devoir se déconstruire aussi par eux-mêmes. Et donc ensuite, qu'est-ce que je veux dire moi? Et donc en fait, par chez moi, il y a, comme avec du coup avec l'équipe populaire, en fait, on essaie de faire des trucs et tout. On essaie de faire le lien en fait avec plein de personnes. Puis moi, je prends le numéro tel ou tel locataire, je prends leur numéro, ils prennent le numéro. Lui, en fait, il appelle. Puis une fois qu'il les a appelés, bah il y a des rendez-vous, il y a un suivi et tout ça. Moi, je me sens bah, tout fier, tout content et tout. Et du coup, je dis yes. On commence un peu à augmenter tout ça. Et du coup, en fait, avec ça, le but après, c'est d'avoir 10, 15, 20 personnes. On attend vraiment qu'en fait, il y a plus de gens, même si on a plus ou moins les gens. Et donc, en fait, là, le but, ce serait qu'une fois qu'on aura 15-20 personnes, de pouvoir en fait, trouver un lieu dans la commune, en fait. Parce qu'on va pas se déplacer, je veux dire, à l'ULB ou j'en sais rien pour faire une première G ou dans un squat de je ne sais où à Bruxelles. Enfin, mais justement, pour avec ce cas faire donc une et après des premières AG, en espérant évidemment que le mouvement continue. Normalement, il devrait continuer, mais bon, c'est un mouvement, du coup, ça peut s'estomper comme ça parce que les gens simplement ne viennent plus, etc. Et voilà. Et donc, ce serait en fait de pouvoir faire potentiellement en fait un peu de l'anarcho-syndicalisme. Comme ça, c'est un peu dans ma vision que je l'ai un peu demandé, on en a un peu parlé. On est pas mal d'accord avec ça, mais évidemment, enfin, mais pas parce qu'on est des militants et pas parce qu'on est d'accord avec ça que c'est ce qui va se passer. Au sens où c'est dans les AG, c'est dans tout ça. On sait même pas comment sera les AG, mais bon, voilà. Puis en fait, on va espérer en tout cas avoir des discussions comme ça, espérer pouvoir en parler, et en plus du coup attirer toujours plus de monde, même si ça va être très très long, parce qu'attirer vraiment, déjà là du coup 10-15-20 personnes, je crois que ça fait genre un an, truc comme ça, que justement j'ai enclenché par chez moi, bah une petite lutte quoi. Bien pourrait, et en fait ça c'est un peu nos espoirs, de relier en fait tout, déjà en bord de Soigne, parce qu'en fait là chez nous qu'on combat pour l'instant en bord de Soigne, parce que c'est vraiment mais des gros bâtards, c'est un truc. Je pense qu'ils sont quand même, ouais, heureusement pour nous, ouais, ils sont moins bâtards que dans d'autres coins, ou à Saint-Gilles, pas Saint-Gilles, mais à Carbet, etc. Là j'ai entendu des histoires aussi, qu'en fait là c'est quand même assez pire quoi. En plus là-bas je sais que là il y a une grande concentration, bah évidemment logique, hein, de personnes qui sont plutôt non blanche, donc racisé tout ça. Structurellement, les personnes qui sont noires, etc., reçoivent du coup plein d'oppressions en plus, et sont bien plus de mal dans le monde truc de leur vie quoi. Et ensuite le truc c'est que avec les locaux, mais déjà ce serait déjà fédéré par l'équipe populaire, enfin ouais, par du coup le MOC, donc le mouvement ouvrier chrétien. Une fois qu'on aura pas mal de gens dans différents trucs, et que ce sera plus ou moins relié contre la société en bord de Soigne, et qu'on aura de plus en plus de gens, et qu'on pourrait bien aider les gens. Après, là, on sait pas du tout quoi faire, mais il y a déjà évidemment mille idées, quoi. De pouvoir, en fait, espérer d'avoir déjà moins de loyer. Moi, personnellement, dans mon imaginaire, on aurait plus de loyer, on commencerait peut-être même à l'autogérer, à fédérer les logements sociaux, enfin, voilà, j'en sais rien, mais vraiment que les logements sociaux deviennent à nous, en fait, littéralement. Et donc là, c'est un peu, dans mon imaginaire, ça, c'est un peu l'écologie sociale. Auto-organiser les logements sociaux, que ce soit plus des logements sociaux, qu'on ne soit plus, en fait, emprisonné et qu'on se sent plus condamné à cantonner à ça, littéralement pouvoir en fait auto-organiser nos propres vies, parce que si on auto-organise en fait par nous-mêmes les logements sociaux, putain, mais ça veut dire plein de trucs, ça veut dire qu'en fait on va pouvoir apprendre et savoir en fait comment faire l'électricité, l'eau et plein d'autres trucs. On va pouvoir nous-mêmes aussi commencer un peu à lire si on veut, commencer à nous-mêmes faire peut-être l'école, enfin j'en sais rien. L'espace urbain du coup aussi sera organisé, sera auto-organisé, sera à nous, et du coup par assemblée, par je ne sais quoi, ce qui veut dire que les jeunes pourront être là tranquillement, les flics j'en sais rien, mais on sait pas comment ça pourrait se faire, mais moi dans mon idée les flics seraient même pas là, sinon ils seraient caillassés. Du coup à mon avis soit il y a des moments où ils diront bon ok, comme en Grèce ou comme dans d'autres pays, mais là c'est beaucoup plus extrême, enfin au sens où c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'austérité, où c'est encore extrêmement plus fort. Donc là tu m'étonnes que là, les mouvements de contestation sont 1 milliard fois plus puissants et plus radicaux, même si en même temps, la répression, elle est 1 milliard fois plus forte. Là, c'est un truc de dingue, là-bas de ce qui se passe. Je connais pas tout, hein, mais j'ai des amis qui, là, récemment, m'ont pas mal parlé de ce qui se passe là maintenant. Et où ça? En fait, en Grèce. Ah, en Grèce, ouais. Et aussi un peu avec Garcia, où là, apparemment, c'est en gentrification, en fait. Mm-hmm. Où là, apparemment, il y a de plus en plus de touristes et ils sont en train de tout gentrifier. Et du coup, il y a tous les squats, même le logement général dedans, il meurt, quoi. Ouais, vraiment au sens où ça va complètement gentrifier. Enfin, si évidemment la lutte ne réussit pas, tout ça, quoi. Et aussi parce qu'en fait, la répression est tellement énorme que même s'il y a heureusement de la résistance. Mais bon, je sais pas du tout si ça va tenir, j'espère. Parce que bon, après, c'est juste un îlot d'imaginaire, d'imaginaire au sens où là-bas ça résiste. Vu comment c'est tout, c'est génial et tout. Et du coup, ça donne des envies et quand même un imaginaire positif en fait pour nous-mêmes, quoi. Même si on n'est pas forcément un sélectionniste, ça nous donne tous. Et d'ailleurs, peu importe que c'est Exarchia ou tous les autres lieux où il y a eu ça, ça nous donne vraiment un énorme plein d'imaginaire. C'est ça qui est chouette. Et après, évidemment, t'as le concret. Et c'est ça c'est sur le long terme. Et après, t'as le concret qui, par exemple, justement avec Liège, où là, je vais un peu en parler. T'as du coup Entre Murs, Entre Mondes, c'est vraiment un squat, mais génialissime, quoi. Enfin, après, ça fait qu'une semaine que je suis. Et mon but, c'était justement d'y être le temps que, vu que je travaille pas, du coup, je me dis, bon, je vais aller là-bas, je vais voir comment c'est, j'espère que je vais aimer, tout ça. Sans non plus avoir trop d'espoir. parce qu'en vrai, je suis quand même pas mal déçu de ce qui se passe en Bruxelles et un peu de manière générale, je pense aussi même. Et donc, bah, j'étais à là-bas et je suis totalement bluffé, je suis totalement, mais c'est juste incroyable. La moitié du, comme du collectif, des classes populaires, quoi, la moitié, c'est un truc de dingue. L'autre moitié est plutôt, bah, bourgeois, mais donc allié, quoi. Et là-bas, ça, là-bas, t'as un BSP, t'as un centre de jeunes qui est à côté. Et du coup, les jeunes vont là. Et ça se passe, mais vraiment super bien, ça se passe. Et c'était quoi encore un BSP? Brigade des solidarités populaires. Ah oui, désolé. Même si là, pour l'instant, depuis 2-3 mois, je sais pas si plus. Mais voilà, tout ça, c'est ça dans un squat, quoi, quand même, c'est énorme. Et c'est génial. Et en plus, je sais que c'est assez rare qu'il y ait des squats qui sont au moins à moitié concernés, quoi. En plus, pas que les vocabulaires en 6 hétéros. Enfin, après, 6 hétéros, si. Là, je crois que il y a environ la moitié des concernés, c'est... Ouais, la moitié, c'est plus ou moins des meufs, et l'autre moitié, c'est plus ou moins des gars. Il y a entre blancs et non blancs, entre donc il y a des racisants et des racisés. Là, j'essaie en fait de trouver un autre truc, dire non blanc et non blanc, donc pour mm-hmm. arrêter de dire blanc, mais mm-hmm. Entre noir et non noir, entre arabe et non arabe, voilà. Peut-être ça, je sais pas si c'est mieux, mais bon. Peut-être à ça, les bourgeois, bah, ouais, ils sont... Là, c'est à peu près tous les mêmes, je dirais. Tous des blancs, je crois. Enfin, je sais pas si c'est tous vus, mais voilà. Mais bon, après, voilà, peu importe, parce que c'est... parce que ça se passe vraiment, mais trop génial, quoi, c'est trop bien. Après, et qu'est-ce qu'il y a bien là-dedans? Enfin, tout ce que là, j'ai dit. Mm-hmm. Et ensuite, qu'ils ont eux-mêmes des idées que si, par exemple, enfin, il y a des gens qui n'arrivent plus à être dans ce squat-là, eh bien, qui pourraient, du coup, aller dans d'autres squats, mais pas séparer, en fait, le collectif, quoi. Qui pourraient complètement, comme continuer à être fédérés, donc être un gros collectif. Enfin, ça, c'est vraiment, dans leur imaginaire et dans ce qu'ils ont dit. Franchement, ils ont, enfin, s'ils aiment plus là et que, ouais, ils ont d'autres envies de ça. Eh bien, pouvoir un peu, je crois d'ailleurs en Italie, où ça fait aussi pas mal ça. T'as avec, en fait, Poter al Popolo, je crois que c'est-à-dire pouvoir au peuple, il me semble. Et là, c'est en fait, globalement, des associations, le mouvement autonome, des collectivistes et tout ça. Ouais, des centres, voilà, des centres sociaux. Voilà. Et en plus, entre bien, entre monde, c'est, je sais pas si c'est entièrement ça, mais c'est une bonne partie un centre social, en fait. C'est vraiment un centre social autogéré et tout, et en plus, plutôt accepté, en fait, par le centre jeune et par le quartier et tout ça. Après, je sais pas à quel point c'est bien, parce qu'on m'a aussi dit que t'as les gens du quartier qui, quand ils les voient, bah, en fait, trouvent que les gens qui sont dans ce cas-là sont plutôt des singes, quoi. Que c'est « Waouh, putain, mais c'est quoi ces gens ?» Bon, je crois que c'est un moment de clôturer un peu. Ouais. Un grand, grand, grand merci à toi. Et un grand merci à ta maman aussi. Tu lui diras ? C'était chouette. C'était vraiment chouette. Ouais, c'était super chouette. Merci beaucoup. Oui, donc on avait un peu coupé un peu fort parce que là, il y a ma fille qui est arrivée et donc qui a foutu le bordel. Mais donc voilà, je crois que l'idée a passé. Oh! On est toujours à l'émission À la cloche de bois, une émission radio éphémère, et c'est la troisième épisode. Donc là, on va écouter encore une chanson. Je veux ton appartement de Andy Saint-Louis. Il est pour moi venu le temps, béni de tous les locataires, ou un courrier recommandé te recommande de faire de l'air. Me voilà donc sur les réseaux, accompagné de mon piano pour attirer votre attention. Mon annonce est une chanson. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Je cherche beau et grand en bas de 600. Je veux ton appartement. La ligne verte détient mon cœur. De Verdun jusqu'au triporteur. Et je vous en prie, faites que le lit n'occupe pas toute la demeure. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Tu as la perle rare et tu quittes pour Saint-Léonard. Je veux ton appartement. Serait-ce possible sur vos photos de ne pas montrer que la douche ou la cuvette ou votre enfant ou uniquement du rangement. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Tu quittes ton nid et il n'a pas de punaise de lit. Je veux ton appartement. Arrêtez de confondre Montréal et Mont-Tremblant. Et je peux payer, oui c'est étonnant, les artistes font de l'argent. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Tu t'en vas de ton trou et tiens encore debout, je veux ton appartement. Merci Jeannot pour nous avoir filé cette chanson, j'aime beaucoup. Donc là, on va suivre le débat. Donc le débat sur le travail social est un produit du marché. Donc on voulait un peu revenir sur ce que Sarah avait dit à l'émission précédente, où en fait elle l'avait contextualisé un peu de manière historique, de dire en fait que c'était jamais le but de loger tous les prolétaires et qu'aujourd'hui, toujours, c'est pas du tout le but des gens qui rédigent les lois, etc., qui mettent les choses en place pour loger tous les précaires. Et donc, du coup, on s'est questionné un peu, voilà. Et donc, du coup, les travailleurs sociaux dans tout ça, comment est-ce qu'ils doivent contenir tout ce bordel-là? Et donc, voilà, là, on va revenir un peu sur les côtés bien, mais aussi sur les limites du travail social. Et on a coupé le débat, on a mis un morceau de Kenny Arcana, Capitale de la rupture, au milieu, comme ça, ça allège un peu l'écoute. Bonne écoute et tournez manège. Alors, avec l'émission À la cloche de bois, on traite les questions de logement par plusieurs billets d'entrée. Et donc aujourd'hui, on va parler avec deux copains qui travaillent dans une union de locataires. Et on va réfléchir un peu et revenir sur en quoi consiste le travail social autour du logement. Alors, on est ici avec Mathieu et Angé. Bienvenue. Salut. Salut, salut. Et puis Titi et moi-même de la radio. Alors, Mathieu, est-ce que toi, tu as envie de me dire un peu une journée habituelle dans une union de locataires? Comment ça se passe? Alors moi, je travaille à l'union des locataires marolienne. C'est l'union qui est marolienne et pas les locataires. depuis peu, depuis août. Donc, savoir comment une journée se passe de manière habituelle, c'est compliqué pour moi parce que je n'ai pas conscience du travail qui était accompli là avant le Covid, avant la crise sanitaire. Enfin, crise, on s'entend. Mais donc, je pense que les journées sont relativement particulières et sont plus animées en temps ordinaire. Mais ça, Andjay, je pense que tu pourras dire si ça a changé ou pas. En tout cas, une journée type à l'union de locataires. Donc déjà, je prends un café en arrivant, vers 9h. Et puis après, on reçoit une série de coups de fil, on reçoit une série de personnes. Donc les journées sont relativement bien remplies. Pour ma part, en tout cas, je mange peu le midi. On rencontre beaucoup de personnes, donc de personnes qui sont confrontées à des problèmes liés à leur logement, donc liés à leur propriétaire. Donc ça peut être des choses assez banales et somme toute qui peuvent être rapidement réglées. Donc un problème lié par exemple au chauffage qui ne marche pas l'hiver, le coup classique, ou les ampoules qui ne sont pas changées dans les communs. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appeler le propriétaire pour dire qu'il faut changer les ampoules. Et ça peut être des problèmes beaucoup plus importants liés à des préavis qui sont pas conformes à la loi, qui sont envoyés aux locataires, des coups de pression du propriétaire pour qu'ils partent, des conditions des problèmes liés à la salubrité des logements qui sont vraiment très importants, par exemple des toits qui sont écroulés, des choses, de l'humidité vraiment très importante, des choses comme ça. Donc là où ça prend plus de temps. Voilà, donc on essaie de régler ces problèmes au fur et à mesure. On essaie aussi de s'impliquer. Donc là, c'est plus, ça a plus trait à des luttes qui sont défensives, finalement, essayer de protéger les personnes, essayer de faire en sorte que leurs droits soient respectés. Et puis après, de manière un peu plus créative, on essaie de s'impliquer dans des collectifs, qui sont constitués, par exemple le Front Anti-Expulsion, le Pavé dans les Marolles, d'autres choses aussi, de manière un peu plus sommaire. Donc quand on a le temps, on essaie de faire ça. Mais donc oui, en gros... on va dire le travail dans une locataire, ça s'articule autour de deux ou trois axes, c'est-à-dire les permanences, être, comme Mathieu dit, accessible pour les personnes qui ont un problème au sens large avec le logement, l'accompagnement des locataires qui sont relogés par une agence immobilière sociale, et parfois, dans certaines UL, il y a aussi un volet mobilisation. Nous, justement, on a ce volet-là dans lequel on essaye de sortir un peu de la perspective de l'aide individuelle aux personnes qui viennent en permanence et d'essayer de travailler sur certaines problématiques au sens un peu plus large avec des habitants du quartier ou d'autres ou des gens qui viennent à l'union de locataires. Donc on avait animé un atelier d'écriture, on avait fait des capsules vidéo, on a participé à une critique du contrat de quartier Marolles avec des habitants. Et voilà, on participe à la rédaction, comme Mathieu l'a dit, et diffusion d'un journal de quartier qui s'appelle Pavé dans les Marolles. Donc voilà, c'est un peu ces trois axes-là qui structurent notre travail du quotidien. Et est-ce qu'avec le Covid, avec la situation qu'on vit maintenant, est-ce que vous avez vu changer le travail ? Alors, oui et non. C'est-à-dire, il y a beaucoup de changements, effectivement, sur le fait que, par exemple, beaucoup d'associations maintenant, union de locataires, mais pas que, ne sont plus vraiment accessibles physiquement aux personnes. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui font que des permanences téléphoniques. Et évidemment, je pense que l'accompagnement téléphonique est plus compliqué à réaliser, ne permet pas un accompagnement des personnes optimal. Et donc, voilà, les personnes qui galèrent déjà dans leurs démarches administratives liées au logement ou litiges, etc., sont encore plus dans la difficulté. Et l'autre problème, c'est que, voilà, toutes les démarches administratives nécessaires sont en fait de plus en plus informatisées. Tout doit passer par Internet. Et évidemment, les personnes qui doivent fournir mille et un papiers pour l'administration sont encore plus pénalisées par cette situation-là parce que c'est un outil qu'ils ne maîtrisent pas forcément et qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Voilà. Après, sur le nombre de personnes, c'est dur à dire, effectivement. C'est dur à évaluer s'il y a plus de personnes qui sont dans une situation... Enfin, c'est clair que la crise sanitaire a un impact très clair sur les habitants de Bruxelles et partout dans le monde, mais effectivement, comme ça touche principalement les personnes qui travaillent et qui sont au chômage technique et les petits indépendants, et une bonne partie des personnes qui viennent aux unions de locataires, je pense, ont des revenus de remplacement et donc ne sont pas aussi touché que ces autres catégories par cette crise. Mais c'est clair qu'il y a un accroissement des difficultés. Et donc moi, encore une fois, j'étais pas là avant la crise, donc je sais pas s'il y a plus de personnes ou quoi que ce soit. Et comme disait Andrzej, par contre, ça a un impact sur, comme il disait, vers où ils peuvent s'orienter. Donc une partie des personnes qu'on reçoit maîtrise pas le français, une grosse partie. Donc on a la chance d'avoir une collègue qui est arabophone, on arrive à parler en anglais, Andrzej parle brillamment polonais. Donc on arrive à se démerder pour accueillir quand même beaucoup de personnes, et même quand on ne comprend pas, on essaye de communiquer avec les personnes, mais par téléphone ou par mail, c'est quelque chose qui est impossible. Il y a une partie des personnes, s'ils ne sont pas accompagnés, c'est aussi difficile de passer des portes d'entrée. Donc là, avec le Covid, il y a beaucoup de services qui acceptent juste une seule personne, qui ne veulent pas que des personnes soient accompagnées. Comme disait Andrzej, il y en a qui accueillent plus que par téléphone, plus que par internet. Et nous, il y a une partie en tout cas de l'accueil, en tout cas pour ma part, qui est quand même important. Quand vous arrivez à l'ULM, on essaie de proposer du café, du thé. Il y a une espèce de déontologie du travail social qui veut qu'il y ait une espèce de distanciation qui se fasse entre le travailleur social et la personne qui soit accompagnée. Dans beaucoup d'associations, il y a cette espèce de culture où le travailleur social doit être le travailleur social et la personne accompagnée, accompagnée. Je sais pas, pour moi, ça empêche une certaine forme de solidarité, une certaine forme de fraternité. Et à l'ULM, il y a cette espèce de proximité avec les personnes qui est importante. Donc si ça se passait juste par Internet ou juste par téléphone, par Internet aussi, il y a un nombre de personnes qui galèrent avec Internet qui est monumental. Donc sans ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qu'on ne pourrait pas accompagner d'une bonne manière, quoi. Et puis aussi, par exemple, hier, j'ai accueilli quelqu'un qui est sourd-muette. Donc là, je me posais la question, comment elle fait avec le Covid pour se démerder. Donc je pense qu'elle n'aurait pas réussi à passer la porte d'une association comme la nôtre. Ça aurait été difficile pour elle de trouver des solutions pour trouver un logement, pour contester le préavis, parce que c'était le cas, etc. Et est-ce que vous avez globalement l'impression que vous pouvez répondre réellement aux besoins des gens qui viennent toquer à la porte? Alors ça dépend lesquels, parce que... On va dire dans tout ce qui est démarche locative telle que litige avec le propriétaire, aide à rédaction des courriers, aide dans le fait d'obtenir une garantie locative, récupérer une garantie locative, enfin aider les personnes à s'inscrire, toutes ces démarches, on va dire en parallèle liées au logement, effectivement ça, les unions de locataires sont un outil intéressant parce qu'elles permettent aux personnes de répondre à ces problématiques-là. Par contre, là où il y a le plus gros problème, là, lorsque les gens viennent avec la demande qui est évidente et répétée, qui consiste à dire « Mais voilà, moi, j'ai besoin d'un logement pas cher, bien, maintenant. » Eh ben voilà, là, dans ce moment-là, on sait rien faire. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, les gens, ils ont principalement, précaires, ont principalement besoin d'un logement vite, bien, maintenant. Et dans cette demande-là, le travail social est complètement inutile parce qu'on ne sait rien faire. On sait quoi? Proposer aux gens de s'inscrire sur une liste d'attente où ils doivent attendre entre 5 et 10 ans, remettre 1001 papiers, renouveler chaque année, etc. Et espérer qu'ils vont obtenir ce logement dans un délai complètement absurde. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, on est confronté face à la limite du travail social parce que ça dépasse ce que les associations entre guillemets ont comme outil, et on est confronté au problème structurel de l'accès au logement, c'est-à-dire on est complètement démuni face à la problématique la plus importante qui est le nombre de logements accessibles à Bruxelles. Je suis d'accord avec Andrzej, en gros notre travail il a plus que des limites, toutes les situations dans lesquelles moi à chaque fois que je suis confronté à une personne, clairement notre travail il a des limites. On fait ce qu'on peut, on donne des outils, on essaie juste de communiquer les informations qu'on a. Mais clairement, c'est la crise de l'accès au logement, c'est une crise qui est structurelle. C'est pas un problème qui est individuel, quoi. MARSEI 2LE est à la rue. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville? Celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du crabe. Ma ville entière a sombré, soumise, ombre pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit déliment, je longue peine aux gommettes ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la vie que tu plaides. Paris, ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la imposée aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de roi. MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Chaque des cultures de 1013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, fond ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que livrée. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la jeunesse cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la selle ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Justement, donc il y avait, par rapport à cette question-là, donc Angie, toi, tu as participé à l'écriture avec Nathan Renner, un article qui s'appelle « Le travail social est un produit de marché », paru dans Bruxelles en mouvement, qui est un journal de l'IEB. Et donc justement, là, en fait, il y avait un passage qui m'avait vachement parlé. Il parle justement de cette impuissance que vous décrivez maintenant, et qui dit, voilà, que notre impuissance réduit notre rôle à celui d'un couvercle sur une casserole à pression qui permet de contenir la colère sociale. C'est assez fort comme passage. Vous avez envie de revenir là-dessus ? Alors, oui, c'est-à-dire que nous, à travers cet article avec Nathan, on voulait mettre en avant qu'en fait, le problème, il est pas individuel, il est structurel et politique. C'est-à-dire que, voilà, le mode de production dans lequel on vit, le capitalisme, produit des inégalités sociales. Et selon le contexte socio-historique, l'État essaye de réguler plus ou moins fort ces inégalités ou pas. Et donc voilà, le fait que des associations reçoivent des subsides pour essayer de pallier, résorber dans la limite du possible ces inégalités, notamment les inégalités au logement, voilà, c'est un peu ça qu'on voulait mettre en avant. Et donc nous, on est un peu critiques par rapport au travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaie d'aider au mieux aux gens dans leur situation individuelle, d'un peu améliorer leur situation, etc., à se défendre en justice, etc. Mais voilà, on n'est pas dupe non plus du rôle qui consiste à faire accepter aux personnes les plus démunies ou parmi les plus démunies, précaires, enfin, qui constituent une grande partie de la population, disant, voilà, mais en fait, si vous voulez un logement, il faut attendre 5 ou 10 ans, faut envoyer 1000 et un papier, si vous voulez une allocation de relogement, faut envoyer 36 000 papiers au bon moment, etc., etc., vous justifiez d'être pauvre constamment. Et donc, voilà, on est critique par rapport à ça, et en partie, oui, je pense qu'on participe à ce fait de pacification sociale, d'être une sorte de casserole à pression, qui permettent d'étouffer un peu les mécontentements des gens qui sont de plus en plus nombreux à subir ces situations qui, en fait, ne sont pas normales. Et en partie, on participe au fait d'accepter que le logement, un besoin fondamental, ce soit une marchandise. Alors, malgré nous, en partie, on participe à ça et on essaye de politiser la question du logement et de montrer, en fait, que c'est pas un problème individuel, mais un problème structurel à travers notre travail social, à travers des articles, à travers d'autres choses, quoi. En fait, moi, je suis d'accord avec ce que disait Nathan et d'accord avec ce que dit Angé à travers l'article et à travers ce que tu viens de dire, mais je trouve qu'il y a juste une toute petite nuance. Et j'ai l'impression qu'aussi, à l'ULM, il y a cette particularité qu'il n'y a pas dans d'autres associations, cette espèce de regard justement politisé, où on a conscience des limites de notre travail, et cette volonté de soutenir les personnes dans une lutte qui peut paraître individuelle, mais finalement c'est juste la micropolitique, quoi. C'est une personne qui va être confrontée à, par exemple, juste un propriétaire, qui va s'opposer à tel ou tel enjeu, etc. Donc vous soutenir dans ce combat-là. Et je pense que c'est important aussi de soutenir ces luttes qui, même si elles sont individuelles, sont importantes parce que ces personnes luttent avec les moyens qu'ils ont. Donc juste leur dire que le problème, il n'est pas individuel, mais qu'il est collectif, je pense que c'est déjà un pas pour politiser la question, quoi. Et je sais pas, par exemple, Anjay aussi, il est confronté à ce cas-là, enfin, moi aussi, où il y a un ensemble d'immeubles, des personnes qui sont confrontées à la même problématique, on essaie de les mettre en lien, on essaie de traiter le problème de manière collective, et donc montrer aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls. Juste envoyer un courrier dans la boîte aux lettres de l'immeuble pour dire « Bon, bah, si vous avez ce problème-là, venez nous voir, comme ça, on fait des réunions ensemble, et puis on parle ensemble du problème, plutôt que traiter individuellement chacun de vous pour trouver une solution de relogement, etc. » C'est un premier pas pour trouver des réponses collectives à tout ça. Voilà, c'est la seule nuance que je voulais apporter, même si je suis d'accord que ça joue son jeu de pacification sociale. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une dynamique où on essaye de rentrer dans l'art des propriétaires, on essaye juste de dire aux gens d'y aller, quoi. Moi, j'ai une copine qui travaille aussi dans le travail social, et elle, par exemple, elle réunit des personnes qui sont allocataires du CPAS et qui, individuellement, se confrontent vraiment à ce truc de « mais en fait, ces gens-là du CPAS, ils me parlent mal, ils me traitent mal ». Et en fait, elle, son travail, ça consiste à réunir justement les gens autour de la table qui sont tous allocataires du CPAS et qui, en fait, qui se rencontrent les uns dans les autres. En fait, de dire « mais en fait, le problème n'est pas individuel que chez moi, mais le problème est vraiment collectif ». Et ça, je trouve ça assez fort. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur quel type de choses que vous faites dans ce sens-là pour réunir vraiment les gens? Donc, moi, pour ma part, donc là, j'étais confronté à un bâtiment qui est mis en gestion par le CPS. Et dedans, il y avait plusieurs habitants. Il y avait une fin de mandat de gestion, donc des préavis de bail qui ont été envoyés à chacun des locataires. Et chacun des locataires, bien sûr, ne trouvait pas de solution de relogement en période de Covid avec les difficultés qu'on connaît pour trouver un logement. Donc ouais, les chiffres, on les a pas encore donnés, je pense, mais c'est 40 000 personnes sur la liste d'attente pour avoir un logement social. C'est la moitié de la population bruxelloise, je crois, qui pourrait avoir accès à un logement social. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Il y a, je sais pas, pour avoir un studio, un flat, c'est 600 euros. Un CPS, c'est combien, auto-isolé? Enfin, c'est entre 900 et... Donc ça fait ça fait plus de 60% du budget des ménages qui sont consacrés à un loyer. C'est quand même totalement aberrant, avec toutes les limites, tous les propriétaires qui ne voudront pas louer à telle ou telle personne parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils travaillent pas, parce qu'on est une femme avec des enfants, pour toutes ces raisons. Donc c'est quand même problématique. Donc bien sûr, il n'y a aucun des locataires qui a trouvé un logement. Et tous, ils faisaient leur recherche de manière individuelle, ils contactaient telle association ou pas, ils cherchaient un logement ou pas quand ils avaient le temps. Bah donc, je suis parti d'une seule personne qui est venue me voir, j'ai commencé à mettre des courriers dans les boîtes aux lettres pour dire « bon bah, il y a tel problème qui se pose à l'une de vos voisines, si vous avez le même, vous êtes sûrement confronté à la même chose, donc venez me voir ». Donc j'ai réussi à me mettre en contact avec tous les locataires, j'ai avec eux écrit des courriers, essayé de voir le CPS pour trouver une solution, pour dénoncer ce qui s'était fait, donc il y a une solution temporaire potentiellement qui va être trouvée, pas le CPS en tout cas, mais temporaire, et puis après on va essayer de continuer à traiter collectivement cette question-là. Donc là pour l'instant je les ai pas rencontrés ensemble, mais c'est ce que je compte faire assez rapidement, quoi. Là, sur les problèmes individuels, c'est ce qu'on peut faire, et puis après il y a le front anti-expulsion ou d'autres choses comme ça qui peuvent se faire, et puis par exemple le pavé dans les Marolles, c'est aussi un collectif d'habitants où je pense aussi c'est un collectif de lutte pour préserver un quartier populaire, en gros. C'est juste s'opposer à cette espèce de conquête urbaine de la ville de Celle pour essayer de gratter et gentrifier un quartier. Donc de la même manière, là, c'est, je pense, une lutte collective. Oui, enfin, pour donner un autre exemple de ce qu'on avait fait, c'est par exemple justement avec Inter-Environnement de Bruxelles, on avait fait des capsules vidéo, et tout ça c'était parti d'ateliers où les gens avaient mis en avant leurs problématiques individuelles, et en fait ben, on a rapidement vu que ces problématiques individuelles étaient collectives, et au final sur les 15 participants aux ateliers de réflexion, de mise en commun de tout ça, il y a trois dames qui ont voulu justement faire une capsule vidéo où elles étaient filmées chez elles à la maison et où on discutait d'elles, de leurs problématiques du logement. Et ces capsules, on les avait montrées aux députés bruxellois pour justement, à ce moment-là, on mettait en avant la nécessité de mettre un encadrement des loyers. Donc voilà, et par exemple, le front anti-expulsion, comme disait Mathieu, c'est aussi une chose assez intéressante qui se met en place maintenant à Bruxelles, et dans laquelle, je pense, les associations de première ligne, comme les unions de locataires et autres, ont quelque chose à amener parce qu'elles sont en contact permanent avec les personnes qui reçoivent des préavis, qui risquent de se faire expulser. Et peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais effectivement, il y a quand même de plus en plus de difficultés à payer des loyers pour certains types de locataires. Si la crise perdure, ça va devenir un problème beaucoup plus conséquent. Et donc voilà, donc je pense que ce type d'initiative est tout à fait aussi important et nécessaire à soutenir dans une démarche collective et politique sur les questions du logement. À un moment, pendant la première vague du Covid, il est apparu ce mouvement de grève des loyers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous voyez des perspectives là-dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit vraiment possible? Parce que j'ai l'impression que là, c'était plutôt une idée qui était lancée. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? C'est une question qui est difficile. Effectivement, la grève des loyers, c'est le meilleur outil des locataires pour lutter pour leurs intérêts. Il n'y a pas, je pense, de meilleur outil que ça. Mais voilà, sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut être nombreux à le faire en même temps, organisé et solidaire. Parce que, voilà, en justice de paix, on rentre de manière individuelle. Ils ne sont pas là pour traiter les problèmes de manière collective. Et tant qu'il n'y a donc pas un rapport de force capable de s'installer par rapport à cette justice individualisée de la défense de la propriété privée et des propriétaires, eh ben malheureusement, ça va juste causer des problèmes aux locataires. Donc grève des loyers, oui, mais il faut être nombreux. Et ça, malheureusement, moi personnellement, j'ai pas la recette. Je pense que les conditions sont multiples et c'est pas évident, mais c'est le meilleur outil des locataires pour lutter pour leurs intérêts. Moi, je pense aussi que c'est un bon outil. Après, c'est plus difficile, par exemple, pour un propriétaire de mettre à bas les velléités d'organisation des locataires par rapport par exemple à un patron qui pourrait casser un mouvement de grève assez facilement parce qu'il y a des salariés, il y a d'autres contraintes. C'est difficile pour un propriétaire de s'opposer juste à des voisins qui parlent, quoi. Donc, il y a potentiellement, sur la question du logement, il y a des choses qui pourraient être faites. Après, comme disait Andrzej, il y a des risques individuellement pour chacun parce que justice de paix... C'est juste un locataire qui ne paie pas son loyer, c'est juste pour sa pomme, quoi. Ça va être difficile pour lui d'avoir raison devant un juge de paix. Après, grève des loyers, moi je pense que ça pourrait fonctionner, mais peut-être à l'échelle locale ou vis-à-vis, par exemple, des logements publics. Il y a un Jay qui sourit. Grève internationale, ouais. Moi je suis chaud, hein, mais ça va être difficile à organiser, donc peut-être juste à l'échelle d'un bloc ou je sais pas, tous les locataires qui sont au CPS ou au logement public ou quoi que ce soit, peut-être que il y a un rapport de force qui pourrait être créé. Quand j'ai vu apparaître les affiches et les stickers, les autocollants, etc. autour de ça, et voilà, on avait aussi clairement des problèmes financiers qui ont été accentués à ce moment-là, ben en fait, c'était aussi pour nous, dans la maison collective dans laquelle on habite, c'était une question qu'on s'est vraiment posée, voilà, est-ce qu'on va participer à ce mouvement ou pas? Et là, c'est assez clair la peur qui reprend le dessus de se trouver quand même isolé. Et donc, effectivement, moi, ce que j'avais besoin, moi, c'est vraiment rencontrer d'autres personnes qui le font et essayer de se solidariser, se sentir plus fort. Parce que sinon, en fait, tu restes quand même assez isolé face à cette question. Effectivement, tu te prends la justice seul, quoi. Mais juste, c'est important de dire que ça a déjà fonctionné, les mouvements de grève de loyer. Mm-hmm. Je pense que... Enfin, c'est pas quelque chose d'utopique, quoi. Où et quand et... Moi, je sais pas trop, mais en fait, c'était plus dans le mouvement. Après, je sais qu'aux États-Unis, ça a plusieurs fois fonctionné, en Angleterre aussi, mais j'ai pas d'exemple comme ça. Alors, de mémoire, mais c'est vrai que j'ai un peu oublié, mais il y avait une grève à Barcelone dans le milieu des années 30, si je ne me trompe pas, qui avait donné des résultats assez conséquents. Il y a des grèves aux États-Unis. Là, récemment, il y avait des Canadiens qui avaient lancé une grève des loyers, justement avec la crise du coronavirus. En Angleterre aussi, enfin au Royaume-Uni. Donc voilà, il y a des endroits et des contextes dans lesquels cette lutte-là s'est mise en place et où parfois elle a obtenu gain de cause. Ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, ça a marché. Et effectivement, c'est nouveau, c'est comme j'ai dit, c'est fait être nombreux à le faire solidaire dans l'entraide pour que ça fonctionne, quoi. Parce que voilà, il est nécessaire de créer un rapport de force, quoi. Peut-être pour clôturer, un petit bout qui m'avait fait réfléchir, et donc du coup j'aimerais bien aussi relancer la piste de réflexion avec vous. C'est en fait l'article fini par donc voilà, alors que faire? Exiger la construction de logements sociaux, encadrer, voire geler les loyers, faire la grève des loyers, reprendre les logements des multipropriétaires, socialiser le parc des logements privés, établir des vrais plafond d'accès au logement public, lutter contre les expulsions. Ce sera un bon début, oui. Mais dans tous les cas, il serait nécessaire d'obtenir de réelles concessions sur la sacro-sainte propriété privée. À défaut de cela, il n'y aurait jamais que des mesurettes qui serviront, en fin de compte, à perpétuer des situations profondément inégalitaires. On lance une piste de réflexion pour clôturer le débat. Oui, c'est-à-dire que voilà, enfin, dans cette réflexion avec Nathan, voilà, on voulait mettre en perspective. Le fait que cette situation n'est pas une situation naturelle, mais que c'est une situation politique, que le logement, comme tout d'autres, plein d'autres besoins fondamentaux, la santé, l'alimentation, la mobilité, etc., sont une marchandise, et cela est dû justement au mode de production capitaliste dans lequel on vit, et que nous, ça nous dérange, cette situation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise de vivre dans une société qui est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme et de la nature par l'homme. Et on voulait, à la fin de cet article, un peu mettre en avant qu'il peut en être autrement et que, voilà, si on sort de cette marchandisation de la vie, d'autres perspectives sont possibles. Donc voilà, le logement est une marchandise, alors que c'est un besoin fondamental, tout comme plein d'autres choses. Le prix de cette marchandise augmente d'année en année. Et voilà, c'est inacceptable. Et que si, voilà, on arrive à s'organiser collectivement pour dépasser ce cadre-là, peut-être qu'on arrivera à vivre dans une société justement qui fonctionnera autrement que sur un système basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme et de la nature par l'homme. Ok, un grand merci à vous de témoigner de votre quotidien et vos perspectives de lutte aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Share a common blind. Hey, bye. is not right, so get up off your knees and fight. That's what is right. La chanson que vous venez d'écouter, c'est Squatter's Right de Inner Terrestrials. Donc en français, c'est le droit des squatteurs. Et celle de leur album qui s'appelle It. Pourquoi cette chanson? J'ai su que maintenant, on arrive à la dernière interview, un peu que Balthazar et Paul l'ont fait dans leur squat La Clé au B118. Il y avait une soirée de jam et ils ont interviewé Mai et Rant qui parlent de occupation dans la Marolle qui est en cours d'expulsion. Et voilà, donc c'est un interview avec au fond musique Balthazar, Mr. Paul. Alors bah ouais, je me fous, j'essaye d'être rempli de refoule. Yeah, yeah, jamais je me défile, je me refoule, je me défile, j'affile. Mais du coup, on habite avec une chien, deux chats et 12 personnes dans un grand espace dans le Marolles. C'est une ancienne abbaye où on a trouvé la porte ouverte et on est rentré fin août. Et maintenant, on dort tout le monde là-bas et on fait à manger, on fait de la récup, on distribue de la nourriture. Et qu'est-ce qui nous arrive, c'est que le proprio, il est venu nous parler deux fois, mais en même temps, il a commencé une procédure avec un juge de paix. En disant qu'il ne nous connaît pas, il ne nous a jamais vus, il ne connaît pas nos identités. Et comme ça, il a joué très... Comment ? Il a réussi à lancer une requête unilatérale, et c'est une procédure très vite. Et du coup, on est déjà passé deux fois devant un juge de paix. La première fois, on était là... mais le seul fait qu'on est là, c'était en fait la preuve qu'on était en courant et ils peuvent nous contacter. Et après, on avait un autre cours, une autre procédure, une nouvelle requête contradictoire. Et là, maintenant, on attend la... Comment la... J'ai du mal à expliquer en français. Attends. Maintenant, on vient de recevoir la nouvelle du juge qui nous dit en fait, la propriétaire, il a le droit de nous expulser, mais elle nous laisse le temps. Et c'est 3 mois pour partir. Maintenant, on a encore 3 mois pour partir. Et en fait, dès le début de notre occupation, on était déjà dans mode stress parce qu'on était déjà tous les jours en train de préparer la nouvelle procédure et ça nous fait un peu le stress. Et tout le temps, tu penses peut-être dans 2 semaines, on doit partir. Peut-être dans 3 semaines, on doit partir. Peut-être dans 1 mois, on doit partir. Donc ça nous fait du stress. Mais avec du temps, la stress devient normal et on a appris comment gérer la situation. Et maintenant, on sait qu'on peut rester 3 mois. Et pour nous, en fait, c'est beaucoup. Parce qu'on a déjà passé 3 mois là-bas et il y a déjà beaucoup qui a passé dans ce temps. Donc maintenant, on est tranquille et on cherche des nouveaux bâtiments et on essaie de aussi pas laisser toute cette jouette juridique mettre trop de pression sur nous. You want to say something? La voix de sagesse vient d'arriver. Bientôt vous allez être choqués. Une mélodie dans le vent et l'obscurité. Une voix qui me dit pourquoi la terre tu Donc c'est vraiment sur l'expulsion. Pourquoi se taire jamais à mener progrès. Ouais, le moment, peut-être je vais dire n'importe quoi. Mais le moment qu'on a reçu les lettres de la juge de paix, je sais pas comment expliquer ça. T'as pas une question? Qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez reçu la lettre? Genre fac, parce que c'était une lettre qui nous disons, la première lettre nous dit que on doit passer devant un juge le matin après. Donc on avait une nuit pour nous préparer pour cette truc. Donc on a vite appelé un avocat qui nous ont dit c'est très bizarre que vous devez déjà passer devant un juge maintenant. Elle nous dit que il faut juste dire le seul fait que tu es là, ça montre tu as le droit de notre genre de procédure. Et après, on a reçu une deuxième lettre. Tu veux dire ça? Deux petites minutes. Je sais pas si je veux dire. Mais c'est juste, moi je trouve que c'était juste bizarre le fait qu'on a vraiment compris que pour ce genre de situation, il n'y a pas de temps pour les juges, pour les gouvernements, pour réagir à ce genre de situation. Donc ça, je sais pas, moi je me sentis comme si j'étais un extra stress pour la juge, même mon procédure, c'est moi je le vois comme un des plus importants parce que et on pensait aussi peut-être parce que c'est l'hiver, peut-être parce que c'est la Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, peut-être ça peut nous donner un peu de temps. Ou peut-être la juge peut comprendre que peut-être on a squatté un espace parce qu'on est dans le besoin, parce qu'on a besoin d'un espace pour dormir. Et en fait, la moratoire sur les expulsions, qui est le deuxième moratoire sur les expulsions, a nous sauvé parce que sinon on était déjà dehors. On était quand même contente qu'il y ait un deuxième lockdown, un deuxième confinement. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission, notre troisième épisode à la cloche de bois. On vous dit au revoir et à la prochaine en janvier, et ça sera le deuxième mercredi du mois. Merci Serge. Pour la technique, Vendy qui est en route. Tous ceux qui ont participé à l'émission, Caillou, ouais. Balthazar, merci. Paul. Et Thierry, voilà. Salut. Yeah. bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Le transjournal. Le transjournal.